Lorient. C'est le nom de mon chien. Dazmo. Dazmo. Oui, c'est lui, c'est l'accueil au bureau. Ah oui, oui, il est avec nous au bureau, notre chien. Est-ce qu'il signe les chèques avec sa patte? Oui, quasiment. Ça, c'est moi qui essaie. Comment un chien peut être président d'une compagnie? Voyons, Benoît. Oh, ben non, mais c'est une blague. Oh, ça pour rien. Ah, il est 8h30 à Choix Radio X, on va rejoindre André Arthur. Ouais, Lido vient de forcer encore. Salut, bonjour, c'est une émission où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Surtout sur les idiots qui l'année. Benoît Johnson, hey, Simon Grain qui s'en va et Benoît Gagnon qui arrive. Je pensais te retrouver défait hier, André. Je suis monté à Donnacona, je voulais voir comment tu filais avec l'annonce du départ de Mongrain. Je me suis dit que autrefois, quand on apprenait que les programmateurs de télévision aux États-Unis disaient que quand on construit une émission de télévision, on la construit pour des gens dont l'âge mental est environ de 12 ans. Et on trouvait ça absolument scandaleux et on disait que ça n'avait pas de bon sens, mais je pense qu'à TVA, c'est 9,5. on a baissé la barre. Ouais. Ouais, c'était trop dur, là. Regarde, on a normalisé l'auditoire. Comme les étudiants à l'école qui sont trop cons pour passer leurs examens, on normalise l'examen, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que la moyenne soit au milieu puis que ça soit égal des deux bords. Oh, il y en a trop qui ont échoué l'examen, on va être obligé de monter la barre. Ça doit être la faute de l'examen. Ouais. C'est sûr. C'est jamais de la faute des étudiants. Ouais. Hey André, Star Academy est encore au centre de l'actualité. La police. La police, cette fois-là. Saint-Adèle. C'est l'année passée et je me souviens qu'on s'en était vanté encore une fois de ce transport-là de la cassette dans un véhicule policier. Ce qui est intéressant, c'est que ces crises de fous-là nous prennent pour des imbéciles. Ils pensent qu'ils vont nous dire, vous savez, le policier, il n'a pas brûlé une seule lumière rouge, il n'a pas fait un seul excès de vitesse, il n'a pas mis son gyrophare, il n'a jamais utilisé sa sirène. Mais alors, pourquoi il a appelé la police? Ah oui, un grand imbécile. C'était quoi l'utilité? Il prend le char, puis ben, c'est ça, il aurait pu prendre un gars en bicyclette, en vélo, comme Landry, qui aurait sauté par-dessus les cartes d'auto, tout ça, puis il aurait pu prendre n'importe quel kamikaze qui, au péril de ses bijoux de famille, il aurait pu livrer la cassette de Bonnie and Clyde Pedado. Mais non! Il a fallu quand même qu'il prenne un char de police. Hey, on a magasiné une ambulance pendant 2 semaines, puis on essaie de nous faire croire qu'on s'est pas servi ni de la sirène, ni des gyrophares. Come on. Ils nous prennent pour des imbéciles, ces gens-là. Et ce qui est un peu troublant, c'est qu'ils ont peut-être raison. Il y a tellement deux... Parce que ça passe. Ah oui, ça passe. Et il y a deux façons de voir cette réglementation-là. André, c'est un auditeur qui nous a envoyé une nouvelle qui date de 2001. Un ambulancier en congé qui a porté secours en fin de semaine, en 2001, à un motocycliste victime d'un accident a reçu une drôle de récompense. Les policiers de la SQ lui ont en effet remis une contravention de plus de 250 $ pour avoir contrevenu au code de la sécurité routière. L'incident se déroule sur l'autoroute 25. L'ambulancier François Brizard est témoin d'un accident. Il se rend sur les lieux et porte secours à un blessé. Afin de sécuriser l'endroit, il allume un petit gyrophare rouge. Il appelle ensuite la SQ et demande une ambulance. À leur arrivée, les policiers saisissent le gyrophare de M. Brizard et lui collent une contravention. Oh oui, j'ai déjà vu ça, moi, pour des gyrophares de station de radio ou des mobiles de station. Oui, mais là, on parle d'un ambulancier en congé qui fait sa job. Sur les lieux d'un accident destiné à protéger la scène de l'accident, je présume qu'il a plaidé puis qu'il a gagné. Est-ce que j'ai les suites de ça? La Société d'assurance automobile du Québec abonde dans le même sens que les policiers. Selon Roch Tremblay de la SAAC, M. Brizard aurait dû, pour sécuriser les lieux, utiliser des fusées éclairantes ou des triangles fluorescents. Mais pas un clignotant rouge laissant croire à la présence de policiers pour autant absents. C'est... Surjoint... J'ai passé une heure sur un sujet de surjoint. Oui. C'est les privilèges dans la société québécoise qui sont indus. Je lançais un appel qui dure depuis 7 heures et quelques poussières. Trouvez-moi une personne connue, un juge, un député, un ministre, un animateur radio, un animateur TV, un humoriste, un évêque, un cardinal, une personne connue ou un membre de la famille de n'importe quelle de ces personnes que je viens de citer, qui soit présentement sur une liste d'attente quelque part dans le système québécois. Juste une. Et là, j'ai dit, quand on a trouvé personne, j'ai dit, je recule de 5 ans. On a trouvé personne, puis là, j'ai reculé de 10 ans, et je ne trouve personne. Ça marche pas. Tu rattaches ça à autre chose. Il n'y a rien de pire pour un athlète ou un jeune d'une vingtaine d'années qui va à l'université ou au cégep, ou qui se lance en affaires, ou qui se lance dans son métier, que d'être handicapé physiquement suite à un accident. Il y a un nombre considérable de jeunes Canadiens que la vie a privé d'un membre, règle générale, d'une jambe. Des accidents de moto, des accidents de toute nature, des cancers ont provoqué des amputations. Et la société Victom, V-I-C-T-H-O-M, a mis au point une jambe bionique destinée à permettre à quelqu'un de marcher normalement. Pas de canne. Pas de canne. Et de toutes les jeunes personnes dignes de faire l'essai de la première jambe bionique, on a trouvé un dénommé, le jeune Lucien Bouchard. C'est un jeune prometteur. Un jeune qui a beaucoup d'avenir. qui a perdu une jambe et qui, dorénavant, a été privé du plaisir qu'il avait d'organiser des concours de coups de pied dans le cul, parce que tu peux pas, il y a une jambe. Et on a décidé de voler au secours du jeune Lucien et de lui offrir une jambe bionique pour qu'il en fasse l'essai. Les jeunes passeront après. Et ce qui me frappe, c'est que sur le conseil d'administration de Victom, qui veut utiliser la notoriété de Lucien Bouchard pour faire un coup en bourse, c'est ça qui est la game, sur le conseil d'administration, on découvre un dénommé Daniel Johnson. c'est tellement pas il y a beau, pas hein. De lien. Non, pas rapport. Non, non, pas de... Il n'y a pas rapport. Ça n'existe pas. C'est des non, idées. C'est l'esprit mal tourné de ces distributeurs de purin, n'est-ce pas? Oui. Qui laissent croire que Lucien Bouchard va avoir une jambe bionique avant tout le monde, mais que c'est au mérite. Ce qui est tellement aberrant là-dedans, c'est que les mêmes politiciens, les mêmes personnalités publiques, aussitôt qu'on va ouvrir la possibilité d'une inclusion du privé dans le système de santé, par exemple, ou d'un système de santé à deux vitesses qui permettrait d'enlever des gens d'une file pour qu'ils payent et que tout le monde aurait ce droit-là. C'est eux qui sont contre. Eux autres sont contre. C'est compréhensible. C'est eux qui en profitent. Ils perdent leurs privilèges. Actuellement, eux, ils passent avant tout le monde et ça leur coûte rien. Dans un système américain, ils passeraient encore avant tout le monde, mais ils payeraient. Donc, leur seul attachement à la santé socialiste, c'est que eux payent pas. Comme disait Marc Simonneau autrefois, on paiera s'il le faut. Oui, seulement s'il le faut. Seulement s'il le faut. C'était génial sa formule. On paiera s'il le faut. Et comme disait Chevrette, advienne que pourra. Mais je reçois un message ce matin d'une personne avec qui, à l'occasion, j'échange des messages, qui me dit, je vais te lire exactement son message. J'ai appris hier matin que j'ai le cancer. J'ai 51 ans. Et des poussières. Merde. On devrait m'appeler d'ici un mois et demi, pour fixer la date de l'intervention. Si on m'appelle pas, il faudrait que je les appelle pour leur rappeler que c'est le temps de m'appeler. Sauf qu'on ne va pas l'appeler pour l'opérer, on va l'appeler pour fixer la date. Dans un mois et demi, on va appeler, on va fixer une date qui, elle, va être dans 6 mois, 1 an. Et elle dit, il va s'écouler beaucoup de temps entre le diagnostic reçu hier et l'opération elle-même, et c'est un cancer galopant. Je suis fighter, je me laisserai pas faire, je ne m'appelle pas Pat Burns, je ne joue pas pour le Canadien, et je ne fais pas partie de la pègre politique, et je me laisserai pas faire. Tout ceci est scandaleux comme le reste d'ailleurs. Je lui répondais, le système compte sur votre résignation, il va être surpris, parce que c'est une personne énergique. Ouais. Mais là, ce que je dis, c'est, hey les boys, pendant combien de temps on va endurer un système comme ça. Sam Ahmad a attendu combien de temps pour être traité pour sa leucémie? Paul Bégin a été attendu combien de temps pour se faire traiter pour ses yeux? Monseigneur Couture. Le Monseigneur Couture, l'évêque efféminé de Québec, a attendu combien de temps pour son pontage? Le chef de l'opposition à la ville de Québec et maire de Beauport, Jacques Langlois, a attendu combien de temps pour son pontage? Il est passé avant 300 personnes, dont la moitié était hospitalisée. Lui, il est au bureau le jeudi, ça file pas, puis lundi, il y a son pontage. Et quand, combien de temps on va accepter ça? La semaine dernière, André, on a lancé un appel à tous aux auditeurs pour nous raconter des histoires d'horreur qu'ils ont vécues dans les salles d'urgence ou dans les hôpitaux, des erreurs de diagnostic ou des médecins qui, à cause des délais, ont attendu trop longtemps pour annoncer des nouvelles tristes. C'est moi qui faisais le tri du courrier, puis je fais juste repenser aux histoires d'horreur que j'ai lues, puis j'en ai des frissons. Des gens qui nous racontent que ils ont été bardassés, bon, c'était une douleur dans l'épaule, quelqu'un lui dit qu'il n'y a rien, retourne voir dans 6 mois, on revient dans 6 mois, oh, ben là, il y a peut-être quelque chose, on revient nous voir dans 8 autres mois, on revient dans 8 mois, ah, finalement, monsieur, c'est un cancer généralisé, on peut plus rien faire pour vous. Jean, t'arrive, le feu est pris dans ta maison, mais t'as pas le droit d'arroser. Et regardez dans les nouvelles de ce matin, inspiré par un des meilleurs avocats pour faire chier les docteurs, Jean-Pierre Ménard, la famille de Claude Dufresne entame une poursuite contre le centre hospitalier de Shenanigan parce que, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait entendu le tape du dispatch ambulancier. Oui, écoutez, il est minuit, on a un arrêt cardiaque, est-ce qu'on peut arrêter chez vous? Et là, tu as un infirmier efféminé qui dit, ben là, je sais pas, je vais demander au docteur, puis là, il y a le docteur Linda Cloutier qui dit non, puis l'infirmier dit non, vous pouvez pas, c'est fermé. C'est qui le docteur qui dit ça? Je peux pas vous le dire, je peux pas te le dire. Et on s'en va jusqu'à Trois-Rivières avec Claude Dufresne dans l'ambulance où on constate son décès à l'arrivée. Aujourd'hui, on apprend que la famille de Dufresne est au Collège des médecins pour obtenir des sanctions disciplinaires contre la médecin Linda Cloutier, dont on dit que c'est une bien bonne fille, mais évidemment, on va voir qu'elle le prouve. Ma question est... Tant qu'on est à Shenanigan, là, oui. Si ça avait été Jean Chrétien dans la boîte, est-ce qu'elle aurait refusé? C'est pas le même game, hein? Claude Dufresne est mort. Jean Chrétien aurait-il été refusé? Il paraîtrait que Michel Chartrand aurait raconté à Christiane Charest récemment que lorsque lui a été placé sur une liste d'attente pour une opération pour des cataractes, les gens du syndicat dans l'hôpital ont fait des pressions pour qu'il passe avant tout le monde et qu'il s'en est scandalisé et qu'il aurait refusé. Ouais. Maintenant, bravo, je le crois sur parole, là. Oui. Puis je rappelle aussi l'affaire de Louis Laberge à l'Hôtel Dieu de Québec. Louis Laberge se présente à l'Hôtel Dieu de Québec avec des problèmes cardiaques. En l'espace de quelques instants, il est dans une chambre privée en cardiologie. Sauf que quand la préposée à l'admission va dans sa chambre, il dit, bon, mais monsieur Laberge, maintenant que vous avez été soigné un peu, on va faire l'admission. Pourriez-vous me donner vos cartes? Il dit, je ne suis pas Louis Laberge. C'est un sosie, un monsieur de Québec, la Basse-Ville. Et en l'espace de quelques minutes, le sosie de Louis Laberge a été crissé dans le corridor d'urgence, à côté de la machine à Pepsi, à l'air, en dessous d'un fluorescent. Faites comme tout le monde, monsieur le sosie. Franchement. Alors, je cherche n'importe qui de connu au Québec qui soit sur une liste d'attente ou qui l'ait été. C'est un premier ministre homosexuel clandestin atteint peut-être du sida qui n'est pas allé à Washington se faire traiter, mais qui s'est soumis à la médecine québécoise. J'en cherche juste un. Un ministre de la Santé qui avait un malaise au genou et qui n'a pas été opéré avant tout le monde à l'Hôtel Dieu, mais qui a fait son temps sur la liste d'attente. Un ministre de la capitale qui fait une leucémie puis qui a attendu aussi longtemps que les autres Québécois pour le résultat des tests et le début des traitements. J'en cherche juste un et je lance un appel à la cohorte nombreuse des auditeurs de choix parce que les auditeurs de CKNU avec notre petite fouette gouvernementale, on n'a presque pas d'auditeurs. Donc quand je lance l'appel, j'ai pas de réponse. Mais grâce à une puissance radiophonique comme choix, je suis sûr que je vais trouver un évêque efféminé sur une liste d'attente, que je vais trouver un maire de Beauport sur une liste d'attente, que je vais trouver un du rivage, un jeune qui va avoir sa jambe avant Lucien Bouchard. C'est drôle, j'ai le feeling que tu vas chercher encore un bout, non? D'où vient cette école de pensée-là, André? Le comportement, il vient d'où? Qui a permis ça? Faut que quelqu'un commande. Non, ça, c'est très classique. C'est caractéristique des sociétés primitives. Parce que une des grandes, grandes failles de notre vie, de la société québécoise, c'est que les gens qui subissent ce traitement-là. Ceux qui voient passer devant eux les gens connus. On me racontait l'autre jour que Yvon Deschamps s'est présenté dans une urgence à Montréal et qui est passé avant tout le monde. Que Bernard Landry, hier, avant-hier, circulait à 160 km/h sur l'autoroute 20 et que personne n'est intervenu. Des gens sur un avion me disent que Jean-Paul Lallier a essayé de faire monter au frais d'Air Canada sur un vol Paris-Montréal un de ses amis en classe affaires au mépris de la réglementation et qui a fait une scène quand il n'a pas obtenu un passager. Il l'a vu. Un autre passager me signale que Bernard Landry, il n'y a pas longtemps, je pense que j'ai le numéro du vol. Attends un petit peu, je vais te donner ça. J'ai ça ici dans mon dossier. Air Canada, à l'été, à la fin de l'été, Bernard Landry s'en va à Paris pour des vacances et il a acheté le moins dispendieux de tous les billets de tous les passagers. Mais il était accompagné de son ami de cœur et d'un garde du corps. Il a exigé d'être placé en classe super affaires alors qu'il avait payé un billet cheap. Je paye pas cher, mais avance-moi dans la... Avancez-moi en super affaire, ce qui est un équivalent de la première classe. C'est des milliers de dollars pour un billet. Et il demande que son garde du corps soit lui aussi placé en classe super affaire pour pouvoir le surveiller. Les passagers racontent qu'il a été placé en classe super affaire et que sa petite amie a demandé 3 coussins pour relever ses jambes pour mieux s'asseoir. Ce sont des magnifiques coussins. L'espace est limité. Et les autres passagers qui, eux, avaient payé plus de 1 200 $ pour leur billet, n'avaient pas de coussin pour leur siège. Parce que Bernard Landry, qui payait avec sa doudoune un billet cheap, était installé en première classe. S'il y a 1 ou 2 passagers qui m'envoient des messages là-dessus, sacrement, y a-t-il quelqu'un qui pourrait... Tu demandes c'est quoi, d'où il vient le problème? Il vient que les autres, ils n'ont pas cassé la gueule. Que les autres se sont pas levés en disant, Landry, monte-moi ton billet. C'est l'indifférence générale des gens autour de ces situations-là. Landry, monte-moi ton billet. Puis ton billet, c'est un billet de classe touriste à 200$. Tu décrisses d'ici ou je te casse la gueule. Faut le cas dans la cause. La journée, parce que ce gars-là, là, il a hijacké un avion. Bernard Landry, cette journée-là, a hijacké un siège sur un avion. Puis la compagnie aérienne n'a pas eu le guts de protéger les autres citoyens contre l'invasion barbare. C'était aux autres citoyens de dire, Landry, mon tabarnak, si t'es pas sorti d'ici, je compte jusqu'à 10, je te mets ma main dans la gueule. Tant que personne réagit, ces gens-là vont dire, oh, je vais continuer à en prendre des choses. Mieux encore, je te parie qu'il y a des citoyens qui sont allés gagner la main en disant, Kin Landry, content de vous voir, je vous félicite, nini, nanana. C'est pour ça que ça se paye. C'est Yves, je te demandais pourquoi c'est comme ça. Parce que les Québécois, ils aiment ça de même. Parce que dans le cœur de chaque Québécois, il y a un écœurant qui ferait pareil s'il était à leur place. C'est ça. C'est la base. C'est la base. Pas de dignité. 8h40... Pas d'honneur. 8h47, André, on s'arrête, on vient. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la pause. CBFM. 103.7, la radio qui s'explose à Québec. Avec Fournel Bicycle, vous pédalerez longtemps. La saison commence, faites faire une vérification en 15 points pour seulement 28$. Un vélo Norco avec cadre en aluminium à partir de 9,96$ par mois, ou un vélo Norco avec frein à disque à partir de 14,16$ par mois. Et un cadeau parfait pour un cycliste, un odomètre 16 fonctions à seulement 39,95$. Fournel Bicycle, première avenue Charlebourg et Saint-Vallier-Est, Québec. Là où on vend des vélos et que des vélos. Silencieux Gosselin, comme le nom le dit, c'est leur spécialité. Fabrique sur mesure, silencieux, non seulement pour les voitures, mais pour les camions lourds, les génératrices, les tracteurs, les autobus. Catalyseurs neufs ou reconditionnés et toute une ligne de silencieux et d'embouts de haute performance en stainless. Les freins, les amortisseurs, c'est aussi leur affaire. Silencieux Gosselin, recommandé CAA. Et le nouveau Silencieux Gosselin Plus au 5620 boulevard Saint-Anne, Bois-Châtel, facile à recommander. Quand vient le temps de choisir une Nissan, il y a toujours un maire qui me revient. Hey, une Nissan Sentra 2004 à seulement 179$ par mois avec un léger comptant. Capital Nissan, toujours un leader dans le marché de l'automobile à Québec. Ouvert aujourd'hui. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Capital, Nissan, Capital, Nissan, Capital. votre enfant aussi. Le plus bel endroit pour les jeunes cet été, c'est le centre plein air Le Saisonnier au lac Beauport. Pour un grand jour ou un camp de vacances, vous trouverez au Saisonnier un choix incroyable d'activités pour les enfants et les ados. Vos jeunes ont des intérêts particuliers? Choisissez parmi les camps multisports, artistiques, naturalistes, natation, anglais ou jeunes vidéastes. Tout ça, seulement 15 km de Québec. Journée porte ouverte dimanche 25 avril. Le Saisonnier, une division de la Fondation des Sources du Québec. 849-2821 ou le saisonnier.net. Mais il faut que je plaide coupable, les amis. Tout versement égaux, parlez-en à votre docteur. Du Tambris, 4 succursales dans la région. On passe maintenant au Ford Focus 2004 flambant neuf. Location 48 mois. La ZX5 219 par mois. La SE familiale 209 par mois. La LX Berline 179 par mois. Qui dit mieux? Pardon, vous avez du culot. Comment c'est à des prix bas comme ça? Sachez, mon cher monsieur, que selon le guide de l'auto, la Ford Focus 2004 figure parmi les 10 meilleures voitures de l'année. Elles valent beaucoup plus cher, c'est clair. Oh oui, madame, c'est clair qu'il faut en profiter. L'offre est d'une durée limitée. Détails dans les journaux et chez votre conseiller Ford. Ford, bien pensé. 8h50 à faire du week. J'ai un aveu à faire. Oui. Ma mère a profité d'un traitement de faveur à l'hôpital Saint-Sacrement, puis je vais vous raconter comment c'est arrivé. Vas-y. À 88 ans, elle a perdu dans la même année son permis de conduire, son char, son autonomie et finalement sa vie. OK? Elle a bien fait ça comme une grande fille. Quand elle a commencé, ça a commencé à être plate, elle a fermé la boutique, puis réellement, là, elle m'a épaté, ma mère. Elle avait du caractère, puis elle l'a montré jusqu'à la fin. Elle est à Saint-Sacrement, et elle a des problèmes d'autonomie parce qu'elle s'est cassée la hanche. Ça commence souvent comme ça chez des personnes âgées. Un jour, elle se penche pour ramasser ses clés d'auto parce qu'elle s'en va faire des courses. Elle met le pied sur son trousseau de clés, elle tombe, elle se casse la hanche, moins d'un an après, elle est morte. OK? Oui. À un moment donné, on est confronté à des gens extrêmement dévoués, en particulier une jeune médecin que je n'oublierai jamais, des infirmières dévouées. Ma mère était pas facile, je sais de qui je tiens mon sale caractère. Et à un moment donné, ils font une conférence pour parler de ma mère. J'y vais avec mon frère. Et là, je suis surpris de voir la bonne volonté et la gentillesse de Jean. Je suis un peu aussi déçu de voir les gens de l'aumônerie. Qui c'est qui vous a appelé, vous autres, dans une réunion concernant ma mère? Mais là, on me fait croire que ma mère les a réclamés. J'en doute. Ma mère est pas dans la réunion, puis on parle d'elle dans son dos, puis je suis profondément mal à l'aise. Mais je m'aperçois que ces gens-là parlent de ma mère avec respect. Et ils parlent toujours de Mme Tanguay. Ma mère est née Lucie Tanguay. J'espère qu'un jour, on s'apercevra que je suis le cousin de Maurice Tanguay et qu'on me mettra sur les testaments idoines, n'est-ce pas? Mais pour le moment, c'est une campagne infructueuse. Un vœu pieux. Un vœu pieux. Ma mère est une Tanguay. Tout le monde l'appelait Madame Tanguay et elle était complètement perdue. Cette femme-là s'est mariée en octobre 1940. Elle est morte en 2003. OK? Mais cette femme-là s'est appelée Madame Arthur toute sa vie. Elle s'appelait Madame Lucie Arthur, mais les femmes de sa génération prenaient le nom de leur mari, Madame Renée Arthur. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était comme ça que ça se passait. Alors, à un moment donné, j'ai fait une intervention dans la réunion, je les écoutais, et j'ai dit, je vais vous demander une faveur pour ma mère. Si vous voulez vraiment lui faire plaisir, si vous voulez vraiment qu'elle comprenne que vous lui parlez, au lieu bureaucratiquement de l'appeler Mme Tanguay, ce qui est un nom qu'elle ne connaît même pas, faut qu'elle y pense à chaque fois, auriez-vous la gentillesse de l'appeler Mme Arthur? Et de ce jour jusqu'à sa mort, les gens de l'hôpital Saint-Sacrement l'ont appelée Mme Arthur, puis elle était heureuse. Mets ça sur la liste des traitements de faveur. Ça, je considère que c'est un traitement de faveur que j'ai obtenu pour ma mère. Je pense que c'était une demande légitime. Mais c'est une... Normalement, tu t'appelles ton nom de fille, puis c'est de même ça marche, sinon ben, tu te fais des gros yeux. Et je pense effectivement que je plaide coupable d'avoir obtenu pour ma mère un traitement de faveur. Mais en aucun moment, ta mère a créé un retard chez une autre personne qui, elle aussi, était dans la souffrance. C'est pas le genre de faveur qui fait en sorte que quelqu'un est pénalisé dans son sentiment physique. Non, mes interventions à moi se sont bornées à mettre à la porte le pédeleur de Orthez Savard. Québécois qui semble bénéficier à la grandeur du système d'un accès particulier aux personnes handicapées pour vendre leurs cochonneries. Et on me dit qu'en retour, les directeurs généraux d'hôpitaux puis les médecins sont très bien traités par la famille Savard. Moi, j'avais d'autres personnes à encourager. Là-dessus, je suis intervenu. Il y a le peddler de TV qui a eu affaire à mon frère à un moment donné. Mais on s'est défendu comme n'importe qui. Là, on n'a pas fait de bras parce que je travaillais à la radio. Puis à ce moment-là, c'était Mme Tanguay. C'est que personne ne savait de qui il s'agissait. OK. Quand après ça, on l'a appelé Mme Arthur, ben ça a bien été. Je dois dire aussi qu'à certains moments, je fais des cadeaux à des gens qui sont hospitalisés, moi. Tu fais cadeau de ta présence. Je fais cadeau de ma grosse face bête. C'est que je m'en vais sur le changement de chiffre des infirmières, puis je m'assois au pied du lit. Puis je m'arrange pour que tout le monde me voit, puis après ça, je m'en vais. Traitement change. C'est un cadeau que je peux vous faire si vous êtes hospitalisé, appelez-moi. À partir de ce moment-là, les gens sont quoi? Sont plus polis? Sont plus attentionnés? Ils attendent moins. Quand ils sonnent, ils se font pas disputer. Des fois, le repas arrive chaud, une fois de temps en temps. Parfois, c'est pas de la marde qu'il y a dans la sieste, comme c'est toujours dans les hôpitaux. Mais André, pourquoi on n'a pas ce respect-là et ce bon sens envers tout le monde? Parce qu'on est syndiqué, mon ami. Aussi simple que ça. La syndicalisation et la définition des tâches a justifié la déshumanisation de nos hôpitaux. Aussi bête que c'est qu'on a embauché des gens qui ont profité de leur sécurité pour plus s'occuper de leur mandat professionnel. Fait que tant qu'on peut botcher, on botche. Puis on se sert beaucoup des coupures pour justifier l'inhumanité. Vous direz ça au gouvernement. Quel dommage. Ouais. Mmh. Mais j'ai obtenu une faveur pour ma mère l'an dernier, je dois l'admettre. Je pense pas que ça mérite un article dans le journal demain, par contre. Non, mais je l'ai dit. Bon, c'est bien. Oui. Ils l'ont appelé Mme Arthur pendant les semaines qui lui restaient. T'as conscience tranquille? Claire. Excellent. Hey, André, tu sais, quand on décide de faire un pamphlet publicitaire avec un journal, on est capable de faire des miracles. Je veux saluer le Journal de Québec qui, ce matin, a réussi, dans trois sujets différents, dans trois articles différents, dans trois pages différentes, à nous pluguer Marie-Hélène de Star Academy. Ça, c'est pas celle-là qui a gagné, c'est celle-là qui a perdu la dernière édition, faut s'en rappeler. Mmh. Sauf qu'actuellement... N'oubliez pas que Star Academy, c'est pas un test d'intelligence. Non, c'est pas sûr. Il y a pas de test. Il y a personne à Star Academy qui va être trouvé membre d'horaire de Mensa, là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non. C'est pas des génies qu'on cherche. Ça sort pas d'Harvard. C'est juste assez bon pour Radio Énergie. Là-dessus, Julie Snyder, quelqu'un m'écrit à live.joiefm.com qui en a entendu une bonne. Julie Snyder qui parlait d'un artiste disant que ce dernier était connu sur les 7 continents, mesdames, messieurs. Mais hein, les continents, ici. Les 7 continents, les 13 planètes. Ah oui, là, espérons, pour, à tous les sens du terme, chers amis, que c'est pas M. Pédalo qui est devenu continent. Non. Ça, tout est passé. Dans trois articles différents, on nous plonge Marie-Hélène. Moi, j'en reviens pas. Elle a un album actuellement qui est lancé par la gang de Québécois, Archambault, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vendre des CD. On lui donnera pas une page de pub complète pour dire qu'elle a un album et qu'il est disponible. On va glisser subtilement sa photo, son image, sur plein d'articles. Meilleur vendeur de disques au pays, les académiciens et Marie-Hélène. Première photo numéro 1 dans le cahier Art et Spectacle, page 56. Page 57, lancement du Festival d'été de Québec. On a tu hâte, André. Ah oui. Hey, ça n'a pas de bon sens. Le Villemont Blues Band, ce collectif hippie de 63 personnes qui va se reformer spécialement pour le Festival d'été de Québec. Et c'est à cause de cette méga production que le macaron passe de 12 à 15 $. Et pour la circonstance, on va arrêter l'enquête sur la prostitution juvénile pour pas embarrasser les dirigeants. Célébrons, les macarons allument, puis le reste, c'est pas important. Mmh. Mais au lancement du festival d'été, qui était là? Qui là? Marie-Hélène. Eh hey, non! Elle est sur la photo, photo numéro 2, page 57. On s'en va un petit peu plus loin dans les arts et spectacles, en page 61. Il restait une photo, on n'avait pas d'article à faire, on l'a garoché là entre deux pubs. Marie-Hélène Thibert a rencontré plusieurs de ses admirateurs hier à l'occasion d'une séance de signature. Photo numéro 3, il y a 6 pages dans le cahier arts et spectacles du Journal de Québec, André. Elle profiterait pas d'un traitement faveur, hein? Est-ce qu'on pourrait peut-être admettre qu'on parle juste d'un concours d'amateurs pour des jeunes sous-doués? Parce que s'ils étaient doués, ça ferait longtemps qu'ils auraient percé. Ils n'ont pas besoin du concours. À moins qu'on soit en train d'admettre que toute la structure du système de vedettariat montréalais est défectueuse et ne fait monter que les amis de la gang et que ça prend de temps en temps Star Academy pour faire rentrer ceux qui sont pas les amis de la gang. André, si t'as pas Guy Cloutier comme ami ou comme contact, ou encore si t'as pas Pierre-Carl Péladeau, tu veux faire carrière comme humoriste, comme artiste au Québec, tu fais quoi? La pire affaire qui peut arriver, c'est d'avoir un talent. Est-ce que vous savez que Montréal est la seule ville d'Amérique du Nord et probablement du monde occidental où, pour des productions théâtrales ou cinématographiques, il n'y a jamais d'audition? Jamais. Jamais. Pas de casting. Jamais de casting, c'est toujours le téléphone. On appelle les chums des chums, ceux qui ont déjà été... Tu m'as déjà rendu service, tu vas travailler dans mon film. Il n'y a jamais d'audition pour les rôles importants. C'est pour ça que c'est sensiblement toujours les mêmes visages et les mêmes noms qu'on peut voir à peu près partout. Et c'est pour ça que les jeunes qui ont du talent ne percent jamais. Toujours la gang, les amis. Rémi Girard, puis... Il faut qu'il... Madame Lorrain. Les, ouais. C'est ça. Les ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de différent doivent se battre avec les moyens du bord contre des maigres entreprises. Et à partir du moment où ils disent, bon, nous autres, on arrête de se battre, puis on rentre du côté québécois, on rentre du côté guicloutier, puis on essaye de faire autre chose, la créativité va être complètement écrasée. Rentre dans le moule, fais la même affaire que les autres, sans ça, fais ça dans ton coin, puis nous autres, on s'occupera pas de toi. Ouais. Mais vous rappelez, je l'ai déjà raconté, les deux frères qui sont allés travailler à Hollywood, j'oublie toujours leur nom, ces deux comédiens. Les Pilons? Les Pilons, oui. Bon, il y en a un qui est revenu à Montréal il y a 2-3 ans. Est-ce que c'est Daniel et Donald? Oui. Oui. Alors, il y en a un des deux qui est revenu, qui a joué dans des films à Hollywood, Daniel, dans des séries à New York. Oui. C'est un gars qui a gagné sa vie honorablement toute sa vie avec son talent de comédien. C'est, et il revient à Montréal dans une demi-retraite, puis il dit, moi, j'haïrais pas ça avoir un ou deux rôles par année pour continuer. Ça fait que je vérifie les auditions, puis je vais me présenter comme si j'étais un nobody, puis s'ils veulent, ils me prendront. Mais comme ça se fait à New York, par exemple, on fait du casting. C'est ça. À New York, quand j'étais là à Pâques, je m'en vais manger dans un restaurant, et la serveuse à côté de moi, à Times Square, racontait à quelqu'un que son métier, c'est d'être comédienne, et à faire aux tables en deux auditions, en attendant d'être choisie. Mais elle se présente à toutes les semaines à au moins deux auditions différentes. C'est comme ça, André, que la jeune Caroline Davernas a obtenu son rôle dans la série qui a été de courte durée, mais qui l'a eu quand même à Fox, Wonder Falls. Elle allait à toutes les auditions à New York, puis à un moment donné, quelqu'un l'a spoté. Voilà. Or, Pilon revient à Montréal et dit, je suis pas intéressé à travailler 7 jours par semaine, mais je prendrai un rôle de temps en temps, donc je vais me présenter dans les auditions. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y a jamais d'audition à Montréal. Son réseau de contact était à refaire, puis là, mais il ne pouvait pas passer par les voies normales, parce qu'il n'y avait pas de voie normale. Il dit, les rôles ici sont donnés sur invitation. C'est ça. Jamais autrement. Jean-Marc prétend que la Marie-Hélène, elle serait laide comme son cul. Est-ce qu'il a raison? Oh oui, elle était peurante. Marie nous disait tantôt qu'avec des talons hauts, ils avaient perçu, comment est-ce qu'elle dit ça, Marie? Il manquait une section de mollet. C'est parce que Marie-Hélène se faisait appeler Mognon avant Star Academy. C'est ça. Parce qu'on avait l'impression qu'elle était un peu courte sur patte, ouais. Qui manquait un morceau de jambe, finalement. Marie rajoute qu'on lui a tendu les cheveux noirs, corbeaux, et avec les yeux bleus, ça fait quelque chose d'épeurant. Moi, je peux pas dire si elle aide comme son cul, André. Il y a une des deux extrémités que j'ai heureusement perdu. Non, le gars, il paraît de son cul à lui. OK, lui non plus, je l'ai pas vu, on manque bien. Je dois pas être beau, on s'entend. Elle est loin d'être belle. OK, ben en tout cas, c'est bon aussi que les laiderons aient leur chance dans la vie, là. Ouais. Mais c'est parce qu'être laid, c'est pas une raison suffisante pour être transporté en ambulance. Non, il y a une à Télé 4, dans les nouvelles qui commencent, qui a l'air d'un petit grippette, là, d'un petit frustré. Aussi qu'ils aient leur chance, les petits grippettes. Tout le monde y a droit à quelque part. Ouais, mais oubliez pas, la communauté artistique québécoise est une communauté impénétrable formée d'amis. Ça fait penser à l'ensemble de la société. Une société épeurée, une société qui a peur de tout et qui, par conséquent, prend des moyens épouvantables pour protéger les petits acquis des petits amis. Puisqu'on parle de lait et de frustré, André, tu sais que Marilyn Monroe a déjà rencontré Einstein et qu'elle lui a dit que s'ils avaient un enfant, ce serait heureux. Il pourrait être beau comme elle et intelligent comme lui. Puis tu sais ce que Einstein a répondu? C'est pas loin une légende urbaine, mais go! Tu dis, madame, le contraire m'effraie trop. Scary. Toilette comme moi, pas intelligent comme vous. Scary shit. Et apparemment, la Marie-Hélène n'est pas juste laide, elle est aussi stupide. Alain l'a entendu à TVA hier dire que le voyage en ambulance, c'était pas grave, parce que c'est pas elle qui a décidé, puis elle, elle a fait ce qu'on lui a dit de faire. Puis elle... couche-toi! Elle a dit aussi, je suis pas sûr que j'ai entendu des sirènes. Dans mais... l'ambulance, elle essaie de nous niaiser. Là. Enlevez-y son permis de conduire. Elle n'entend pas les sirènes. Mais André, on a la synthèse de l'histoire. Pourquoi on la réécouterait pas, Denis? Oui. Le nous montrant le quotient intellectuel très élevé. Oui, mesdames, messieurs, voici un extrait de la dernière assemblée de Mensa. On se laisse là-dessus, André. Allez.